Encore plus loin dans la province, je suis aussi en train de croire. Tous ces années, tous ces terres, je m'en vais.